près de toi je fane. Je rêve de jungle et de liane. Qu'on parle ou qu'on lime, je décline, je déprime. Je ne sais pas pourquoi je m'ennuie dans tes bras. Peut-être est-ce la grisaille de nos journées sans faille, cette lourdeur statique sur fond de Belgique. Mais au fond, tu sais, je crois que l'ennui vient de toi. L'ennui de faire le bon temps, comme l'a pu faire le beau temps. La vie continue pourtant, depuis la nuit de temps. S'oublieras, tu verras, l'ennui de faire le bon temps, comme l'a pu faire le beau temps. La vie continue pourtant, depuis la nuit du temps. S'oublieras, tu verras, l'ennui de faire le bon temps, comme l'a pu faire le beau temps. La vie continue pourtant, depuis la nuit du temps. S'oublieras, tu verras, l'ennui de faire le bon temps, comme l'a pu faire le beau temps. La vie continue pourtant, depuis la nuit du temps. S'oublieras, tu verras.